un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser, comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. Je m'avance vers la piste, il me serre dans ses bras. Il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas. Il me dit je suis poète et caresse mes cheveux. En levant un peu la tête, je vois qu'il a les yeux bleus. De son amour pour la France.